demi-heure environ. Vous écoutez La Première, voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la Turquie. D'un maître à l'autre. Le père et le président. Le sultan veille à ce que tous les membres de sa famille mâle soient sous bonne garde. Pour arriver à constituer cette Turquie moderne, il a fallu nier le passé. The Turkish nation is democratic by nature. Nous allons turquifier, islamiser et moderniser les territoires qui nous restent. Les ombres des Arméniens, des Grecs sont emmurées dans l'oubli. Il y a deux modèles, et l'un d'eux est d'interdire, de faire taire ceux qui disent « je suis kurde ». La négation est la doctrine officielle, enseignée depuis l'école. D'un côté, le militaire, le révolutionnaire, l'occidental, le laïciste. De l'autre, le militant, le réactionnaire, l'oriental, l'islamiste. Les deux grandes figures qui bornent le petit siècle d'existence de la République turque semblent s'opposer en tout. À moins qu'il ne s'agisse en fait de deux frères ennemis à la parenté secrète et cachée. Mustafa Kemal Atatürk est le leader qui a fondé notre République. Il est le chef de la période des fondations. Quant à Erdogan, c'est le leader de l'essor et des apogées retrouvés. Le nouveau sultan rêve d'instaurer la charia et de restaurer le califat. Il se veut le maître du monde musulman. Il aspire à dominer l'Orient. Il défie Washington et Bruxelles, s'allie avec Moscou et Téhéran, envoie des bataillons en Irak et en Syrie. Erdogan effraie l'Occident. À Istanbul, les foules l'acclament. Comprendre quelque chose, je dirais, à un pays mal interprété, arrêter d'opposer deux figures incarnant l'ancien régime et les idées neuves et le nouveau pouvoir avec son retour à un certain traditionnalisme, en clair, éviter d'opposer systématiquement et grossièrement Atatürk et Erdogan. Voici quelques-uns des thèmes proposés dans le prochain documentaire d'Histoire vivante « Turquie, nation impossible », écrit par Jean-François Colosimo, notre invité, qui était déjà auprès de nous hier, et réalisé par Nicolas Glimois. On a évoqué les questions relatives aux tensions permanentes dans les Balkans, au choix d'Atatürk de détruire le sultanat et le califat. On va essayer de s'intéresser un peu plus aujourd'hui au choix du traitement que vous avez cherché à faire, Jean-François Colosimo, raconter ce pays complexe et souvent mal compris. Peut-être on peut commencer d'ailleurs par les acteurs, parce que vous avez dans votre documentaire une sacrée brochette, je vais dire des noms comme Orhan Pamuk, Fazil Say, Pinar Selek. Essayez peut-être de nous dire un peu quels ont été les critères, les choix. Comment vous avez procédé le choix ? Alors, ce film n'a pas été facile à faire parce que, entre le moment où il a été écrit et le moment où il a fallu le réaliser, eh bien, il y a eu, cette campagne de persécution. Un certain été 2016. Voilà, contre tout ce qui pouvait s'opposer à l'ascension vers le pouvoir suprême de Recep Tayyip Erdogan. Et donc, en fait, nous avons pu mesurer combien les gens en Turquie vivaient dans la crainte que leur participation à un tel documentaire puisse être récupérée à leur encontre pour les amener au tribunal, tout simplement comme ennemis de la patrie. Donc nous avons eu beaucoup aussi à faire avec des Turcs exilés, soit depuis longtemps, soit depuis très peu de temps, qui sont tous des intellectuels ou des figures intellectuelles, des historiens, des activistes, des hommes, des femmes, qui, eux, représentent cette Turquie qui dispose d'un milieu culturel tout à fait prodigieux. Donc, il ne faut pas être du tout manichéen, n'est-ce pas, dans l'affaire. Mais cette Turquie-là, aujourd'hui, c'est une Turquie de l'étranger, pour beaucoup. Ou une Turquie de l'exil, on va dire, exil réel, extérieur, ou exil intérieur, par le silence et l'omerta obligée. Nous sommes allés chercher ces paroles de Turcs. Il n'y a pas que des Turcs, mais ce sont les Turcs qui nous racontent leur histoire sur un siècle, puisque cette République de Turquie, elle a un siècle. Et on a prêté une grande attention à une période qui est vitale, et qui couvre entre la mort d'Atatürk et l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, et qui est en fait une période dont on s'en souvient peut-être pas assez, de putsch militaire à répétition, l'armée s'emparant du pouvoir contre les élus de la nation, pour dire, nous sommes en train de sauver la démocratie. On ne sait plus combien il y a de coups d'État militaires, mais c'est à répétition, quatre. Quatre, plus ou moins sanglants, le dernier étant plutôt un coup d'État virtuel, puisqu'on a forcé le Premier ministre islamiste de l'époque, Erbakan, à la démission. Donc, l'armée est au cœur du pouvoir, parce que c'est elle qui a fait la révolution. C'est elle qui a assuré l'indépendance. Mais ça nous renvoie à quelque chose, là encore, de plus profond. Lorsque, en fait, l'Empire ottoman veut se moderniser, que font les sultans? Ils contractent une alliance avec les oulémas contre les janissaires. Et ça, c'était un autre titre possible du film, le sabre et le turban, qui sont des constantes non seulement en Turquie, mais en Iran, au Japon, du rapport entre pouvoir religieux et pouvoir militaire dans la course à la modernité et à l'intégration de la civilisation mondiale. Alors, dans le cas de l'Empire ottoman, ça se résout par le massacre des janissaires, qui sont en fait cette troupe d'élite qui est devenue un État dans l'État, un pouvoir séparé en quelque sorte, souvent d'ailleurs au départ des enfants chrétiens kidnappés, recrutés, retournés contre leur appartenance, et évidemment on sait la réputation des janissaires comme troupe d'élite, quoi, hein, même parfois accompagnée d'un peu de cruauté, mais ça c'est plutôt un peu fantasmatique. Donc, l'Empire ottoman finissant se tourne vers le religieux. C'est pour ça aussi que Mustafa Kemal ne voudra plus du califat. Mais le sabre et le turban, Kemal est un militaire, il va prendre le pouvoir. Et le pouvoir va rester à l'armée qui va créer le culte de la personnalité. Vous savez, le culte de la personnalité de Kemal est un des plus étonnants, parce que il dure jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'autres cultes de personnalité apparus au XXe siècle ont disparu, fort heureusement. Celui-là, non, il persiste, c'est le père de la nation. Atatürk, hein, lorsqu'il veut que les Turcs, pour se moderniser, prennent un patronyme, ça veut dire le père turc, le géniteur turc, celui qui a engendré les Turcs. C'est beaucoup plus même que le père de la nation, il y a un côté démiurgique. Et irremplaçable. Et irremplaçable, d'autant plus que personne n'a pu porter son nom par la suite, qu'il n'a pas eu de descendance, que, en fait, il est mort assez jeune aussi. Hein. Et donc, figure mythique. L'armée continue. Elle fait des putsch réguliers, parce qu'il faut tenir la nation. La nation, c'est l'opposition aussi, une opposition que nous pouvons comprendre entre république au sens, et démocratie, au sens quasiment romain, république impériale, tenue par les centurions, par les prétoriens. Tutorisée. Et la dernière fois où l'armée veut intervenir, c'est pour empêcher Erdogan de devenir Premier ministre. Et là, l'armée se retire. L'armée n'intervient pas, on voit pas les tanks dans la rue, parce que ça, ça a été quand même, entre 1960 et 1990, ça a été les scènes les plus communes, avec des arrestations de masse, avec des morts. À un moment, la Turquie est dans une grande instabilité, l'extrême droite et l'extrême gauche, véritablement, font des attentats quotidiennement, l'armée réprime aveuglement. Et cette fois-là, non. Qu'est-ce qui se passe pour Erdogan? Mais c'est très simplement que la puissance américaine, qui est la puissance, pour le coup, tutorielle et tutélaire de l'armée, qui est elle-même tutorielle, parce que la Turquie, c'est des kilomètres et des kilomètres de frontières avec l'URSS. Il faut mettre la Turquie dans l'OTAN. Les Américains ont changé leur politique. Les Américains ne soutiennent plus les pouvoirs autocratiques. Les Américains veulent tenter la carte des islamistes modérés. C'est leur alliance avec l'Arabie Saoudite qui détermine ça aussi. Et donc, on laisse Erdogan arriver au pouvoir. L'armée se retrouve, en fait, enlisée. Et Erdogan va accumuler les pouvoirs pour réduire l'armée à rien en s'appuyant sur le retour des confréries, les oulémas, le turban contre le sabre. Et une fois qu'il aura réduit l'armée à rien à travers le fameux scandale Ergenekon ou le procès fleuve qui dure 2-3 ans où on fait passer tous les chefs d'état-major censés comploter contre la Turquie, eh bien après il va se débarrasser de Gulen, son allié religieux, qui est à la tête d'une immense confrérie mondiale d'un islam rénové pour être missionnaire, et il va en fait se débarrasser des gulédistes pour être comme Kemal, le deuxième Kemal. Comme Kemal avait su privilégier le sabre contre le turban, bah lui, Erdogan, il privilégie le turban contre le sabre, mais on n'est pas sorti de cette histoire dialectique turque. La Turquie, depuis 100 ans ou presque qu'elle existe, sera allée de vertige en vertige. Elle n'aura cessé d'être écartelée entre l'Europe et l'Asie, la modernité et la tradition, la caserne et la mosquée. Sous le pouvoir militaire comme sous le pouvoir religieux, elle aura été la fabrique d'un même mythe nationaliste, d'une même identité imaginaire, construite sur l'élimination de toutes les différences et de toutes les dissidences. Car il n'y a pas deux Turquies mais une seule, celle du sabre et du turban, de leur lutte continue et de leur convergence finale. Celle qui n'en finit pas d'être hantée par les fantômes de ses origines, la même Turquie de Kemal et d'Erdogan. J'ai été frappé, Jean-François Colosimo, au niveau des archives, et pourtant, comme vous le disiez, l'homme est mort jeune. La multitude d'images d'archives filmées d'Atatürk. Atatürk prenant à l'évidence un très grand plaisir à être filmé. Oui, parce qu'il comprend, il est de ces hommes politiques modernes, totalement modernes, n'est-ce pas ? Et puis donc, il s'estime. Il sait que son regard, pour connaître particulièrement hypnotisant, a une force. Ça a été un véritable chef de guerre, ça on ne peut pas lui enlever, immense tacticien. Mais il va être aussi un immense et redoutable tacticien politique, de la même manière qu'il a été sur les champs de bataille. Il va saisir toutes les opportunités pour concentrer tous les pouvoirs, n'arrêtant pas de dire « j'aimerais bien qu'on entre en démocratie, mais c'est encore trop tôt, mais c'est mon seul souhait enfin, ». Et donc, il va multiplier les gestes. Toute sa politique de transformation, vous vous rendez compte quand même, le séisme qu'a connu ce peuple turcophone, on va dire, qui ensuite va être toujours plus turquifié, ces peuples qui vivent dans ce qui est aujourd'hui la Turquie moderne, dans la nuit, il leur faut changer de la manière de s'habiller, il leur faut changer d'alphabet, il leur faut changer de système de mesure, il leur faut changer de calendrier, et tout ça avec une violence extrême à la clé. Et sans gueule de bois. Et comme vous le savez, ouais, la Turquie, en plus, donne très rapidement l'accès avec évidemment, la technicisation de l'agriculture, qui vont faire de ce pays le grand pays qu'il est, par ailleurs. Et puis, évidemment, le statut des femmes, puisqu'il est le premier à accorder, en tout cas 15 ans avant la France, par exemple, le droit de vote aux femmes. Je voudrais justement, Jean-François Colosimo, venir là-dessus, parce que j'ai eu l'impression que, dans votre documentaire, écrit par vous et réalisé par Nicolas Glimois, il y avait un chapitre que vous ouvriez, et la tentation c'est évidemment d'aller beaucoup plus loin, enfin en tout cas ma curiosité personnelle, c'était le chapitre du foulard. J'ai l'impression qu'un documentaire entier n'y suffirait pas pour faire le tour de la question. Mais là aussi c'est pareil, Kemal supprime le foulard, Erdogan le restaure, on va dire, donc ils sont opposés. Non, tous les deux ont compris qu'une politique de fabrique citoyenne passe par les femmes, passe par le foyer. C'est beaucoup plus donc la capture du foyer par l'État dans les deux cas qui compte que de savoir si les femmes sont voilées ou dévoilées par de force d'ailleurs dans les deux cas, par l'un ou par l'autre. Et c'est ça qui compte. Tous les deux comprennent bien que en fait, le premier lieu d'éducation étatique, c'est la famille. Donc il faut capturer les femmes. Alors, la vérité dans cette affaire, c'est que les femmes turques sont du coup extrêmement politisées, précocement, et pas politisées pour elles-mêmes. Elles sont politisées comme des vecteurs, des agents de la politisation voulue d'en haut. Et là, ça vous montre bien en quoi Kemal reste néanmoins, alors évidemment sans leurs excès, quoi. Mais du point de vue de l'ingénierie humaine et sociale, il est le grand contemporain du Mussolini et de Staline. C'est ça qu'il faut comprendre. Il veut véritablement créer un homme nouveau, quoi. Un Turc régénéré, qui est l'antithèse du Turc ottoman. Le Turc ottoman, c'est celui qui se faisait balader par les puissances occidentales. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir occidentaux et prendre notre place dans l'Occident. C'est ça, la politique de Kemal, en étant régénéré. Et régénéré, ça veut dire occidental. Et occidental, ça veut dire, donc, la politique apparemment féministe, ça veut dire l'industrialisation, et ça veut dire aussi le culte, à cette époque-là, rappelons-nous, de la personnalité. C'est ça qu'on veut pas... Nous, on a un peu tourné la page, mais il obéit aux règles de l'époque, enfin. On sait que Atatürk a... comme bon nombre d'officiers de son temps, s'est beaucoup inspiré du modèle français. On a l'impression d'un Robespierre de son temps. Et oui, justement, si lui qui a puisé dedans, est-ce que... Si on caricature pas Robespierre, enfin si on regarde pas tellement la terreur, mais le Robespierre qui veut effectivement un culte de l'être suprême, qui est capable de galvaniser les armées pour les porter aux frontières contre l'ennemi... un Robespierre qui a lui aussi une ingénierie sociale de l'homme régénéré en tête, qui veut créer un homme nouveau lui aussi, et qui veut créer une religion nouvelle. Alors évidemment, on dit la laïcité c'est une exception française, mais c'est une exception française radicale, parce que généralement on disait bah oui mais la Turquie aussi est laïque. Mais non, en Turquie la laïcité ça veut dire que l'État domine la religion et l'administre, c'est ça que ça veut dire. C'est pas la laïcité telle qu'on la conçoit ici, ou plus largement en Europe. Erdogan lui-même est musulman, mais parce qu'il voit ça comme un carburant national. Erdogan est un nationaliste. Si ce n'est que effectivement, parce qu'il remet l'islam en jeu et que nous sommes à la période où le monde musulman est enflammé, il ressuscite un peu le rêve de l'Empire, et auquel Kemal n'avait renoncé qu'à regret. C'est comme ça, il faut le dire aussi, n'est-ce pas ? Parce que Kemal a cherché quand même à pousser les frontières. Donc, nous sommes face à, en fait, un peuple, il faut quand même le dire aussi, qui est admirable par ses productions culturelles, par son intelligence, par sa littérature, sa musique, qui est un peuple souvent délicieux. Mais ce peuple-là, c'est lui, justement, dont nous espérons la libération par rapport à une histoire... qui est une histoire obsidionale, qui est une histoire enfermée, qui est une histoire fictionnelle aussi. Les Turcs ont rêvé d'être dans l'Europe, mais on est dans l'Europe lorsqu'on revient de manière critique sur son passé, lorsque les Allemands seront capables de dire « oui, il y a eu la Shoah ». D'un maître à l'autre de la Turquie moderne s'applique ainsi la même inflexibilité à l'encontre des ennemis de l'intérieur. Et de Kemal à Erdogan, en passant par Evren, se répète la même quête identitaire, hantée par les mêmes fantômes. Les ombres des Arméniens, des Grecs, sont emmurées dans l'oubli. Mais d'autres revenants hantent le présent. Il y a deux modèles, et l'un d'eux est de torturer, d'interdire, de faire taire ceux qui disent « je suis kurde », en leur disant « vous êtes tous turcs ». Les Kurdes n'existent pas ici. Revient enfin le fantôme des Alevis, continuellement persécuté. Jean-François Colosimo, parmi les innombrables archives que l'on découvrira dimanche soir sur RTS2 du documentaire que vous signez en compagnie de Nicolas Glimois, consacré à la Turquie et intitulé « Turquie, nation impossible », une image m'a frappé, et il en était question cette semaine avec Fabrice Monnier, c'est l'incendie d'Izmir. Aujourd'hui, querelle d'historiens sur les interprétations. L'incendie de Smyrne, il préfigure la déportation des Grecs d'Asie mineure. Alors effectivement, pour être tout à fait exact, il y a aussi des Turcs supposés qui ont été virés de la Grèce d'alors pour rejoindre ce nouveau pays qu'ils ne connaissaient pas plus que ça. Je sais que ces Turcs étaient souvent en fait des notables hellénophones grecs convertis à l'islam, n'est-ce pas ? Donc oui, on est dans ce micmac impérial, toujours. Donc... l'incendie dure, et Izmir, qui était une ville, évidemment, avec ses magnifiques bâtiments ottomans en bois, eh bien, elle est rayée, en quelque sorte, de l'existence. Smyrne disparaît, Izmir apparaît, et en même temps, malgré ce désastre, cet incendie terrible, Izmir va rester tout de même marquée par sa vocation portuaire, marquée par son histoire mêlée, marquée par son passé de communautés diverses. Et Izmir va très longtemps rester, en fait, la ville la plus libérale et la plus à la pointe des combats libéraux de toute la Turquie. C'est pour ça que, lors du premier putsch militaire dans les années 60, le premier ministre Menderes finira pendu, mais l'aéroport d'Izmir aujourd'hui s'appelle Menderes en mémoire de ce politique exécuté par les militaires. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est là où il faut dire à nos amis turcs, et beaucoup d'entre eux le sont d'ailleurs, éveillés, mais aux autres aussi, réveillez-vous, votre passé est infiniment plus riche que cette histoire unilatérale, que cette fabrique là d'un Turc qui est appauvri en fait du fait que ce pays a été un carrefour de tant de cultures, de tant de communautés. Ça coûte quoi d'arrêter de considérer les Grecs, les Arméniens, les Juifs, les Alévis, les Kurdes comme des ennemis ? Ils font partie de ce pays aussi. Leurs testimoniaux sont là, leur vie est là, n'est-ce pas ? Redécouvrir la multiplicité sédimentée de l'histoire plutôt que de vouloir instituer une espèce de citoyen unique qui viendrait de l'histoire mongole. Et donc on a des contradictions extraordinaires, puisque d'un côté, l'histoire turque officielle, l'historiographie, affirme que la Turquie a toujours existé, et de l'autre côté, Erdogan lui-même, très nationaliste, peut dire que la Turquie va fêter, en fait, la chute de Constantinople, où on va restaurer une mosquée à Sainte-Sophie pour montrer que nous sommes là. Vous voyez, c'est ce problème d'absence-présence. L'affaire de Chypre a certainement beaucoup compliqué les relations entre la Turquie et les Alliés. Je ne parle même pas de l'Union européenne, parce qu'il est clair qu'à partir du moment où Chypre est rentrée dans l'Union européenne, la partie hellénophone de Chypre est rentrée dans l'Union européenne, la Turquie devenait quasiment, voyez, presque se fermer la porte. Un remarquable abcès de fixation contemporain, c'est la crise de Chypre. Est-ce que vous pourriez imaginer, Jean-François Colosimo, que en passant peut-être par le plus petit chat de l'aiguille possible que peut représenter, à l'échelle évidemment de géographique, vis-à-vis de la Turquie, Chypre est un tout petit endroit, mais résoudre Chypre, ce serait un grand pas en avant ? Chypre est un petit endroit, mais c'est un endroit stratégique, qu'il a toujours été depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en passant par les croisades. Aujourd'hui, la Chine veut investir à Chypre, vous voyez. Et puis, ça a été une colonie britannique. C'est révélateur. Ça dit tout. Ça a été aussi une colonie britannique. Donc, ça dit tout, puisque les Anglais ont toujours été très forts pour ménager leur grande route commerciale, n'est-ce pas ? Et avec des zones pivots. Mais le véritable problème de Chypre, il est simple. C'est que l'occupation par la Turquie se fait au détriment des Chypriotes hellénophones. On va dire grec, ça ne veut rien dire, parce qu'ils ne sont pas grecs au sens de la nationalité, mais aussi des chypriotes turcophones. Parce que la politique d'implantation de populations turques venues d'Asie mineure dans le nord de l'île contrarie évidemment tout espoir de paix, mais contrarie aussi profondément les chypriotes turcophones musulmans, qui n'ont pas du tout la même mentalité que ces Turcs qui arrivent d'Asie mineure. Donc on voit que là, la Turquie, par une forme d'insistance, toujours cette angoisse survivaliste, parce qu'elle a failli disparaître, cette forme vraiment d'obsession de survie, finalement n'arrête pas de contrarier son propre devenir. Parce que s'il y a un empêchement radical, ou plutôt s'il y a vraiment quelque chose de grave dans les relations entre l'Union européenne et les Européens, plus généralement que l'Union d'ailleurs, et à la Turquie, c'est bien cette affaire de Chypre. Tant que la Turquie n'aura pas accepté qu'elle a un passé qui la dépasse, eh bien, elle sera dans une forme de névrose qui fera d'elle une nation impossible. Alors, mentalité collective, mais sans doute aussi largement aiguillonnée par les pouvoirs politiques. Le peuple turc a-t-il le pouvoir qu'il mérite ? Ou les gouvernants qu'il mérite ? Non, il y a des élites turques qui n'ont vraisemblablement pas la forme de représentativité politique qu'elles méritent. Ça, c'est indéniable. Maintenant, ne sous-estimons pas que le peuple turc, qui est ce peuple qui a été, en quelque sorte, usiné depuis maintenant un siècle, c'est un peuple qui, évidemment, subit une politique éducative d'État qui le conforte dans ses angoisses. Par exemple, en Turquie, évidemment, non seulement on ne peut pas parler du génocide arménien, c'est puni par la loi, comme une offense à l'État, mais en plus, les livres d'histoire expliquent que les Turcs ont survécu au génocide que les Arméniens voulaient produire contre eux. Le négationnisme, il imprègne les esprits. La violence d'Atatürk contre les fondements de la vie traditionnelle qui était très confrérique. Vous savez, le soufisme, c'est pas une mystique. C'est d'abord une organisation sociale, contrairement à ce que les gens pensent, quoi. Donc, c'est les vastes confréries qui organisaient les métiers, tout ça. On en a eu en Europe, au Moyen-Âge. Eh bien, ces confréries, elles finissent par se révolter. Elles commencent à se révolter dans les années 60. Plutôt, elles rentrent dans la clandestinité, elles animent une forme de résistance. Le peuple commence déjà à ne plus tellement aimer cette laïcité agressive, cette modernité très agressive. Et puis, arrive Erdogan au pouvoir, 30 ans plus tard. Mais aujourd'hui, ce sont les kémalistes qui se sentent persécutés par les islamistes. Donc, c'est un pays de persécution réciproque. Dans ces persécutions réciproques, il n'y a pas beaucoup de place pour l'altérité, une altérité qui en plus est niée depuis le départ, puisqu'il semble que la Turquie ait été créée par Dieu elle-même de toute éternité, n'est-ce pas ? Donc cette absence de passé, cette absence de mémoire, cette absence d'histoire, ou ces torsions faites sur le passé, sur la mémoire et sur l'histoire, explique que oui, Erdogan est arrivé au pouvoir de manière que nous qualifierions de démocratique, dans le sens où il a vraiment été porté par un peuple qui s'est reconnu en lui. Kemal, pareil, la même chose. Et en même temps, on sait que ces entreprises n'étaient pas démocratiques, au sens où ni Kemal ni Erdogan n'ont pensé qu'ils avaient été élus en vue d'une politique démocratiquement partagée, mais chacun d'entre eux a pensé qu'il était l'élu qui avait en charge de sauver, de perpétuer, d'assurer la vie de cette nation forcément menacée, parce que c'est tout ce qui restait d'un des plus grands empires qu'ait connu le monde. Jean-François Colosimo, voulez-vous bien nous redonner le titre du documentaire ? Écoutez, ce titre, c'est « Turquie, nation impossible ». Évidemment, c'est un clin d'œil un peu à « Mission impossible », mais « Nation impossible » parce que effectivement, la Turquie répond à beaucoup de nos questions. Comment est-ce qu'on est passé d'empires anciens à des nations qui se rêvent encore aujourd'hui de nouveau de rechef empire ? Comment est-ce qu'on est passé dans le monde musulman de régimes modernistes, laïcistes, à désormais des régimes islamistes et plutôt réactionnaires ? Comment est-ce que la modernisation occidentale ne signifie pas grand-chose tant qu'on ne fait que adopter finalement l'efficace de l'Occident sans accepter aussi le retour critique que l'Occident a connu sur lui-même, peut-être de force, mais en tout cas qu'il a connu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans le cadre de la mondialisation ? Des pays qui sont dans le soubresaut entre modernité et islam, il y en a d'autres, ils sont innombrables, et dans la région. En grand nombre en tout cas, peut-être pas innombrables, mais en grand nombre. Et finalement, la question du rapport entre l'occidentalisation du monde et la mondialisation, c'est évidemment la question la plus brûlante de l'heure. La Turquie s'est voulu un laboratoire de tout ça. Qu'est-ce qu'a produit ce laboratoire ? On commence peut-être à avoir des débuts de réponse à des questions qui sont des questions on ne peut plus actuelles. Jean-François Colosimo, merci une fois encore d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Et puis, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt, merci. Vous avez rendez-vous dimanche soir sur RTS2 pour découvrir le documentaire « Turquie, nation impossible », documentaire signé Jean-François Colosimo et Nicolas Glimois. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsvalen, Corinne Rocha, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.